بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. أمس أخذنا باب معرفة علامات الإعراب، كرة السن الإعراب. أخذنا المتن، on a pris ce qui est cité dans le متن et dans le شرح، on s'est arrêté au رفع فقط. طيب، كم علامات الرفع؟ أربعة. ما هي؟ الضمة والواو والألف والنون. نعم، الضمة متى تكون علامة الرفع؟ الاسم المفرد. نعم، الجمع التكسير، والجمع المذكر السالم، وللفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فقط؟ شيء. فقط كل فعل مضارع لا يتصل بآخر شيء. أي فعل مضارع في شرط المجرد عن الناصب والجازم ولم تصل بآخر شيء، والواو للجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة. ما هي الأسماء الخمسة؟ أبوك وأخوك وحموك وأفوك وأفوك أفوك أفوك فوك فوك فوك أفوك فوك وفوك وذو مال. والألف، الألف علامة الرفع لتثنية الأسماء الخاصة المثنى. نعم، والنون، النون النون النون نعم، للفعل المضارع تمتثيل ما في النصب الذي يتصل. أسهل من هذا. الأفعال الخمسة. أيوة، في الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ أنتي المخاطبة. ها؟ par exemple أنتي المخاطبة. je sais pas comment dire. الغائب، المخاطب، المؤنث، المؤنث. المؤنث المفرد المخاطب. يعني كل فعل مضارع اتصل به واو الجماعة أو ألف الاثنين أو يا المخاطبة. الآن سنأخذ الباقي، يعني النصب والخفض والجزم. قال المصنف: للنصب خمس علامات، وهي الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. في النصب لكم يا سبع علامات: الفتحة والألف، كسرة الياء، وغتخي النون. الفتحة تكون علامة للنصب في ثلاثة مواضيع. الفتحة في ثلاثة situations. هي سؤال لباز العلامة الأصلية d'origine. أولا، الاسم المفرد نحو أفاد المعلم والطالبة، فالطالبة الشهير سي الطالبة سي كوسون يعرب مفعول به منصوب. لماذا منصوب؟ لأن مفعول به. لماذا؟ فقوالة منصوب سي كل عامل أفاد استدي أي فعل. الفعل المفعول به اسم عامل اسم الفعل، وعلامته نصبه الفتحة. تمام، سوبلمون هذا هو البروميير، الاسم المفرد. ثم وجم التكسير نحو أفاد المعلم الطلاب، الطلاب فالطلاب مفعول به منصوب بالفعل تبقى بجي لو ديالا جست جو لي بو تابيتي بو تو ساش بعد اذا نسيت سهل حتى ميم ابري تو ديال جست ما فول بي اون سي تو كوني لو ريست مو ديبي تعوض عليه مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. Et dans tous ces exemples, الفتحة ظاهرة غير مقدرة. Il n'y a pas de manière de son apparition. ثالثا الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب. Donc là, il est plus مجرد. Un فعل مضارع dans lequel est rentré un ناصب, un agent du ناصب. نحو لن يكتب الطالب فإن الشاهد يكتب ونقي يد جلن سكوا عرف نصب طيب كأضافة مضارع كأن نيجاسيون فوتير فيكتب فير مضارع منصوب بماذا بلن وعلامة نصبه الفتحة فالآن هذه المواضيع الثلاثة التي يكون الفتحة علامة لرفع أو للنصب فيها trois موضوع اسم مفرد جم تكسير فعل مضارع سي ناصب كي عندنا ثم علامة ثانية الألف دوزيام سين دو نصب الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة tout simplement الأسماء الخمسة الأسماء دو نصب في الألف tout simplement نحو أفاد المعلم أباك فكلمة أباك مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه ماذا؟ الألف كما تقول رأيت أخاك أو أعلق فاك أنا أصاحب مثلا أجالس ذا علم أو امنع حماك من الدخول من دخول البيت يعني إذا كنت غائبا الحمون هذا هو proche du زوج تقول حماك ينصح حموك حماك إذا غبت عن البيت وزوجتك موجودة فمنع حماك من الدخول يغنط لماذا الحمون موت دونك لا لو الف علامه النصب دونك وا الاسماء الخمسه كنا بخيا ثالثه علامه النصب الياء عفوا الكسره اولا وتكون علامه النصب في الجمع المؤنث السالم مفهوم هذا جمع مؤنث السالم الى منصوب علامه نصبه كسره نحو افادت هند الطالبات قال الشاهد سي طالبات تقول في الإعراب مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه الكسرة دونك سي لي اكو بوكو يفون ودير افادت هند الطالبات لا سي طالبات تو جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة تص داكو يقسم مفرد بس كل جمع مؤنث ثاني سي اسم مفرد ميم سي سي لو سي اسم مفرد ماشي المعنى سي بيجا كما صح سي الجمع مؤنث سي كل جمع مؤنث سالم سكيتي rendu pluriel en ajoutant un alif et un ta C'est ça, le jemouan al-salim. Ce qui n'entre pas dedans, ce n'est pas un jemouan al-salim. Ou tu as ce qu'on appelle le moulhaq, c'est ce qui lui ressemble, qui prend le même jugement, c'est autre chose. Mais son apparence, c'est une apparence de jemouan al-salim. La même apparence. Et le reste, ça rentre dans quoi ? Ou dans jem taksir, ou dans ism mufrad. Donc, alamat nasbiah, c'est quoi ? Fatha. Taïb. Thumma, العلامة الرابعة كاتريم سين الياء وتكون علامة النصب في موضعين دو سيتواسيون في المثنى الجوال نحو أفاد المعلم الطالبين فطالبين مفعول به منصوب بالفعل ورمة نصبه الياء. C'est quoi le marfou de talibain? Quand tu dis marfou, tu dis comment? Taliban. Donc là, talibain, c'est un ya avec une kasra devant. Talibain. Et le nun, il est maksour avec une kasra. Donc attention. Là, le alamatanas, c'est le ya, c'est pas le. C'est le ya, c'est pas le kasra, la kasra en dessous du nun. Le deuxième cas où le ya. علامة النصب في جمع المذاكر السالم نحو أفاد المعلم المجتهدين فالمجتهدين مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء. Donc là tu vois le فرق. Le مثنى c'est un ياء مفتوح ما قبلها ومكسور ما بعدها. C'est un ya. La lettre qui est avant le ya, elle est maftouha, c'est une fatha. Et le nun qui est après, il est quoi? Maksour. Quant au jam mudhakkar salim, c'est l'inverse. C'est un ya maksour makablaha. Devant le ya, c'est une kasra. Et maftouh ba'ba'daha. Après le ya, le nun, il est maftouh, c'est une fatha. Thumma aramat khamisa. Hathf al-nun. Le retrait du nun. C'est très simple. C'est le contraire de celui où on l'ajoute. وَتَكُونُ عَرَمَةَ النَّصْبِ فِي الْأَفَالِ خَمْسَ. Tout simplement. نَحُو لَنْ يَكْتُبَ لَنْ يَكْتُبُ لَنْ تَكْتُبِ. On enlève le nun. C'est quand ils sont marfoun, on aurait dit يَكْتُبَانِ يَكْتُبُونَ تَكْتُبِينَ. Quand c'est des mansoub, on enlève le nun. فَقُولُ فتقول سبوتنون c'est pas le nom du nun. سبوتنون c'est l'action. C'est quand tu mets le nun. سبوتنون c'est mettre le nun. Et là c'est le contraire, c'est حذف النون. Le retrait. فكل واحد من هذه الافعال فعل مضارع من الافعال الخمسه منصوب ورمه نصبه حذف النون. Tous ces verbes là sont منصوب. Le signe du nasb c'est quoi? Le retrait du nun. Donc ça, c'était le nasb. Cinq signes. La fatha, l'alif, la kasra, le ya et le nun. Et la alamat, alamat de asliya de base, c'est al-fatha. Thumma, l'ilkhaf des thalas alamat. Tout ça, ça répète ce qu'on a lu hier dans le matin. Juste maintenant, c'est le tafsir avec des exemples. Fakat. Il y a un nouveau. Donc le khafd, qu'on appelle également le jar, trois signes. Al-kasra, wa al-ya, wa al-fatha. Qal, al-kasratu takounu aramatan il-khafd fi thalathati mawadi'a. Donc le kasra, dans trois situations, elle est signe de khafd. Quand, fi l'ism al-mufrad. Lakin, il faut qu'il rajoute là, المنصرف. Là, c'est un short dans le khaft. Le dire, ism mufrad, المنصرف. Celui qui n'est pas mamnou min al-sarf. Nahu, sallamtu ala at-talibi. فالطالب c'est quoi son i'rab? اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. طالبي المجرور مخفوض. Signe du jar, c'est la كسرة. Deuxième cas de figure où la كسرة elle est علامة الخفض. جام التكسير. جام تكسير. نحو سلمت على الطلاب. طيب الطلاب. فالطلاب اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. Et c'est quand également on précise جم تكسير منصرف. comme ism mufrad munsarif jam taksir munsarif. Ce qui exclut quoi? Le ism al mamnou min as-sarf, comme on va le prendre par la suite. Qui rentre dans les deux, dans le mufrad et dans le jam. Thalith, troisième cas où la kasra al-alamat al-khafd, jam'u al-mu'annath al-salim. Nahu, sallamtu ou bel, sallamat hindun ala talibati. Masha'Allah, si vous avez de dire sallamtu wana ala talibat. Faut dire, passe pas salam aux femmes. Bien que c'est permis. Mais bon. قال سلمت هند على الطالبات فالطالبات اسم مجرور وعلامة جره ماذا الكسرة نعم بس دي 3 كاو لكسرة علامة خفض اسم مفرد منصرف ضم تكسير منصرف جمع مؤنث سالم اللي هو يغن با دون منصرف المنصرف ان با دون سي جوست بور لو اسم مفرد ضم تكسير فقط. Thaniyan, deuxième signe du khafd. Al-ya. Wa takounu alamatan il-khafd fi thalasti mouadi'a. Trois situations où le ya, c'est le signe du khafd. Fi l'asma l'khamsa. Celle dont le raf, c'est le waw, et dont le nasb, c'est le alif. Là, le khafd, c'est quoi? Le ya. Nahu, sallamtu ala abika. Ou ala akhika. فقال فابيك اسم مجرور وعلامه جره الياء. فهمت علامه جره الياء اسم جار سي لو ياء. وفي المثنى الجوال نحو سلمت على الطالبين الطالبين فالطالبين اسم مجرور ورمة جره الياء. ثم ثالث troisième cas où c'est le ya qui est علامة جر في جمع المذكر السالم نحو سلمت على المجتهدين فالمجتهدين اسم مجرور ورمة جره الياء. comme tu peux constater, le Moussanna et le Jamuzakar Salim, dans le Nasr et le Jar, ils sont pareils. Avec le Ya. Et tu constateras, dans le Nasr, c'est quoi la rame du Nasr? Dans le Jar, c'est quoi? Ils sont pareils, à ce moment-là. Et le Asma al-Khamsa, avec le Jamuzakar Salim, dans le Raf, ils sont pareils. C'est quoi? Le Rof. Waouh. Après, il va revenir, il va refaire un autre khurasa. Il va dire la même chose avec un autre usloub. En divisant entre ce qui est mu'arab avec les khurof et ce qui est mu'arab avec les harakat. Il va te redire tout cela avec une autre forme, avec un autre style. Donc ça va encore plus ancrer en toi ces ma'roumat, inshallah. Avant de commencer le tafsir dans les mansoubat, dans les marfouat et les mansoubat. Et pour finir, troisième signe du jar, ya al-fatha. Fi mawdou' wahid, un seul cas de figure. Mata fi al-ism alladhi la yansarif. Dans le ism qui la yansarif, c'est-à-dire le ism mamnou' min as-sarf, qui n'accepte pas de tanwin. Il y a pas de tanwin dans ce ism. قال اي الذي لا يقبل التنوين الا ولا الكسره فقط لا يقبل التنوين ولا الكسره نحو سلمت على ابراهيم مثلا فابراهيم لا تبقى اخوا علامه ماذا جره علامه جره الفتحه بوكو باسكو لي مامون صرف. Pourquoi est-ce qu'il est mamnou sarf ala fi akhir kitab? On va apprendre comment savoir le ism qui est mamnou sarf, celui qui ne l'est pas. Il y a des règles. Ça, c'est un exemple avec ism mufrad. Maintenant, on peut dire dakhaltu fi masajida. Masajida, c'est un quoi? Jam taksir. mais il est mamnoum le sarf pour des raisons qu'on citera à la fin du livre. Au début, on a précisé d'un taksir munsarif et ismoufrad munsarif. Car celui qui est réellement munsarif, son arama de jar, c'est la fatha. Ce qu'on appelle un ism mamnoum le sarf. Et c'est des noms spécifiques qu'on apprendra à la fin, inshallah, comment on le définit. ثم نكمل بالجزم. N'oublie pas, on a dit quoi? La khaft khas bi le jar al asma. Là maintenant, on va prendre le jazm qui lui il est khas bi al af'al. Il a combien? Il a deux arabat. C'est tout. Ma hiya al sukun wal hadh. C'est-à-dire le sukun et le retrait. Yaqul awalan al sukun yakunu aramatan al jazm fi al fi'l al mudali al sahih al akhir. Donc c'est le fi'l mudali dont la fin n'est pas un waw ou un ya ou un alif. Seul sahih. Donc lui, tu vas dire مثلاً lam yaktub. On a dit que lam c'est quoi? Harf jazm. Lam harf jazm. Donc le fi'l qui vient derrière, c'est un fi'l qui vient de majzoum. On l'appelle majzoum. Fa yaktubu fi'l mudari wa majzoum bi lam. D'accord? Wa aramatu jazmihi as-sukun. Pourquoi? Parce qu'à la fin du verbe, c'est pas un ya, c'est pas un waw, c'est pas un alif. On appelle ça un fi'l sahih. Un fi'l sahih. Donc là, à ce moment-là, son arabat al-jazm, huwa as-sukun. Wa thani al-hadh. Le retrait. Huwa ala nu'ayn, de deux sortes. Awalan, hadh, harf al-illa. On enlève le harf illa. Ça, c'est celui qui n'est pas sahih. Et celui dont la fin, c'est un waw, ou un ya, ou un alif. Lui, comme on est majdoum, on enlève ce waw, ou on enlève ce ya, ou on enlève ce alif. Haz. Mathalan, t'akoul, zaydun lam, yas'a. Le os, c'est yas'a. Fir sa'a, yas'a, avec un alif. Tu veux dire, zaydun lam, yas'a. T'enlèves le alif. Ou tu vas dire lem yad'u. Min da'a yad'u. À la base de a yad'u, c'est quoi la fin du verbe? C'est un waw. Quand il est majoum, tu coupes. Tu coupes le waw. Mana jazm el kata. Le ratan, c'est ça que ça veut dire. Jazm, c'est le fait de couper. Tu coupes la dernière lettre. Donc tu veux dire yad'u. Sans waw. Et lam yamshi. Là-bas, c'est macha yamshi bil ya. Là, tu fais quoi? Tu coupes le ya. Et tu vas dire, dans l'arab, فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْ هَذِي الْأَفْعَالِ فِيهِ مُضَارِعٌ مُعْتَلٌ آخِرُ مَجْزُومٌ وَرَمَتُ جَزْمِهِ حَرْف الْعِلَّةِ. Son signe du jazm, c'est qu'on a enlevé le harf illah. Maintenant, attention, la harakat que tu vois là, lam yas'a, la fatha que tu vois ici, lam yad'u, la dhamma que tu vois ici, ou lam yamshi, la kasra que tu vois ici, c'est quoi? Hada harakat, c'est pas un signe d'i'rab. Fakot, hadi dalala ala harf al-mahdouf. C'est une harakat qui te montre c'est quoi la lettre qui a été enlevée. Ah, mahdouf, ça veut dire enlevé. Ah, c'est pour ça qu'il dit ça des fois. Isma foul du hadafa, yadhafu, ça veut dire enlevé. Donc la harakat que tu vois là, c'est pas un aramat al-i'rab. C'est juste une harakat qui te montre c'est quoi la lettre qui est enlevée. Quand tu vois un fil comme ça, une fatha à la fin, c'est-à-dire qu'en fait, t'as enlevé quoi comme lettre? La. Ah, mais c'est quoi comme lettre? La. Ouais. La, t'as pas compris. Parmi ces lettres-là, c'est quoi comme lettre qui a été enlevée? Est-ce que c'est un waouh? Est-ce que c'est un ya? Est-ce que c'est un alif? Est-ce que tu le sais? Tu le sauras par cette harakat-là. Cette harakat-là est une preuve qui te démontre c'est quoi la lettre qui a été enlevée. Si c'est une fatha, ça veut dire c'est quoi qu'on a enlevé? Un alif. Si c'est une dhamma, ça veut dire c'est quoi qu'on a enlevé? Ah waouh. Si c'est une kasra, c'est quoi qu'on a enlevé? Ah là. Pas quoi, c'est une indication. C'est pas un signe d'irab. Attention. Après, dans le sorf, quand tu feras du sorf, tu arriveras à savoir comment savoir que c'est un fir, mon tel akhir qui était majdoum. Là, nous, on est dans le nahou, on s'étale pas trop. Sinon, on peut aller loin. Prendre plein de temps facile et à la fin, tu as oublié le os du des. Donc, c'est le premier genre de haz. C'est haz, haz, haf illa. Deuxième nom du Haf, c'est Haf Noun. Ce même Noun qui est quoi? Aramat Raf. Dans l'Afa de Khamsa. Donc quand il est majoum, il est comme le Mansoub. Talib Noun. Nassan Takoul. Lam Yaktuba. À la base, Yaktuba Ani. Si Lam y rentre dedans, tu veux dire Lam Yaktuba. Yaktubuna. Si tu rentres l'âme, tu veux dire l'âme yaktubu. Et si jamais tu dis taktubina et que l'âme y rentre, tu veux dire quoi? L'âme taktubi. Donc le jazm et le nasb dans les afal al-khamsa, c'est le même. Comment on fait? Haf al-nun, on enlève le nun. Ils ont le même signe. Tout comme le musanna et le jamu zakar salim dans le khafd et le nasb, ils ont le même signe. C'est quoi? Le ya. Ils ont les mêmes signes. Ils ont des signes communs, similaires. Donc là, on a appris Aramat al-Irab. On répète. Khurasa. Aujourd'hui, on a appris le Nasb. Quel est Aramat al-Nasb? Khams. On a dit Al-Fatha, Al-Alif, Al-Kasra, Al-Ya, wa Haf al-Nun. La fatha quand? Dans l'ism mufrad. Dans le jam taksir, dans le fir mudari'. Si un ensemble qui rentre dedans. Al-alif. Quand est-ce qu'il est alamat al-nasb? Dans les asma al-khamsa. Al-kasra. Mata ya alamat al-nasb? Dans le jam anath salim. Le ya. Quand est-ce qu'il est alamat al-nasb? Dans le mufanna et dans le jam zakar salim. Et Haf al-Nun, quand est-ce qu'il est à la matanas? Dans les Afal al-Khamsa. Thumma akhazna al-Khaft. On a pris combien à la matanas al-Khaft? Thalath. Trois. On a pris al-Kasra. On a pris al-Ya. On a pris al-Fatha. Kulna al-Kasra. Aramatu al-Khaft. Mata. Dans le ism mufrad. Munsarif. Dans le jam taksir. Munsarif. Et dans le jam anas salim. Aramat al-Jarriha al-Kasra. Après le Ya, on a dit Aramat al-Khafd dans trois Mouadi'a. Awalen dans l'Asma al-Khamsa. Thanien dans le Mufanna. Thalithen, Jamu Zakar Salim. Et troisième signe du Khafd, Jar, la Fatha. Une seule situation. Mata, fil ism, al-Ladhi wa ghayr munsarif, ya'ni al-Mufanna bi mamnou' min al-Sarif. Lui, c'est quoi son alamat du jar? Fatha. Wa kammalna bimada al-jazm. Dans les afal fokat. Deux signes. Sukun et haf. Sukun mata fil fir al-sahih. Le fir al-sahih, celui qui à la fin n'a pas de alif, ni waw, ni de ya. C'est quoi alamat du jazmihi? C'est quoi? Sukun. Et deuxième alamat du jazm, c'est le haf. Le retrait. Et ce retrait, on a dit les deux catégories. Awalen. Haz, harf al-illa. Enlever le harf qui dit illa. C'est quand le fi'l, à la fin, il a soit un waw, soit un ya, soit un alif. Ben lui, c'est quoi son arabe jazm? On coupe ce harf illa. On coupe le waw, on l'enlève. On coupe le ya, on l'enlève. On coupe le alif, on l'enlève. Ça, c'est première sorte. Deuxième sorte de haz, c'est haf al-nun. On enlève le nun. Dans quel af'al? Lequel? Fala khamsa. Non. On enlève nous. Qui est? Asalen. Yaktubuna. Tu veux dire? Lam yaktubu. Yaktuban. Lam yaktuba. Taktubina. Lam taktubi. On enlève le nom. Ada. Ada, maintenant, tu as besoin de prendre ces dossiers, les classer et bien mettre en ordre. Pour retenir. C'est pas dur. C'est juste qu'il faut que tu mettes en ordre et tu remémorises. Ada. Lam ta'ada. Fa'ila huna. Walhamdulillah.